5:25, accusation, oral, il faut, and infinitive. Answer according to the example. You hear, 1. Continuons. You answer, eh bien, continuons, puisqu'il faut continuer. 2. Essayons. Eh bien, essayons, puisqu'il faut essayer. 3. Travaillons. Eh bien, travaillons, puisqu'il faut travailler. 4. Allons à la fac. Eh bien, allons à la fac, puisqu'il faut aller à la fac. 5. Parlons français. Eh bien, parlons français, puisqu'il faut parler français. 6. Écoutons. Écoutons, puisqu'il faut écouter. 7. Apprenons le français. Apprenons le français, puisqu'il faut apprendre le français. 8. Choisissons des prénoms. Choisissons des prénoms, puisqu'il faut choisir des prénoms.